Qui se dit quién? Quién? Q U I E N avec un accent aigu sur le e. C'est qui? Donc, qui parle français ici? Quién habla francés aquí? Bien. ¿Quién habla francés aquí? Et personne se dit nadie. Nadie. N-A-D-I-E. Nadie. Nous avons déjà vu nada, qui signifie rien. N-A-D-A. Nada. Mais personne, c'est nadie. Alors, ici, personne ne parle français. À qui? À qui, ici, oui. Personne? Nadie. Nadie. Nadie. No. Là, c'est comme avec nada. Nadie, placé devant le verbe, contient déjà la négation. Nadie, ça veut déjà dire personne ne. Donc, on ne le fait pas suivre de nom. On dit tout simplement nadie et non pas nadie no. Alors, ici personne ne parle français. À qui nadie habla francés? Alors, il faut faire attention de bien insister sur les bonnes syllabes. Écoutez. À qui nadie habla francés? Pour dire tout le monde, c'est todo. Todo. Todo. Todo el mundo. El mundo, c'est le monde. Todo el mundo. Tout le monde. Alors, ici, tout le monde parle espagnol. Aquí, todo el... Todo el mundo. Mundo, avec un U. Ah oui, el mundo. Bien. Todo el mundo parle espagnol. Habla espagnol. D'accord. Aquí todo el mundo habla espagnol. Et comment direz-vous? Pourquoi ne parlez-vous pas espagnol avec moi? Porque... Ne parlez-vous pas? No habla... D'accord. Espagnol. Espagnol. Avec moi. Para... Avec, non pas pour, mais avec, avec moi. Con mi? Avec vous se dit con usted. Avec elle, con ella, etc. Mais dans le cas de avec moi, on avait vu que c'était un cas un peu particulier. Conmigo? Exactement. Conmigo, tout à fait. Conmigo. Avec moi, ça se crie en un seul mot. Donc, ¿por qué no habla español conmigo? Et comment dit-on avec toi? Contigo. C'est ça, contigo, avec toi. Et conmigo, avec moi. Ce sont deux formes un peu particulières.